Y'a trop de rire jaune et y'a plus d'énivé. Ça joue les grands et après ça me jette de l'eau bénite. Ma bête, ma qui la musique production négro. Ici on blague pas, y'a danger et vie. Pourquoi tu passes ta putain de pommade? Depuis la maternelle habituée au chamaya des chiffonnades. Le cerveau comme une flûte pleine trou. Dans la bouche extrait le son qu'on appelle pipo, toi et ton crew. Allez vous faire baiser, c'est du rap mafioso. Essayez de m'enculer, t'aurais pas dû oser. Trahison, règlement de compte sur quelques terres. Je prends la plume à défaut de prendre le revolver. Demande à Abdel Rani, R.A.N.I. Raps armés non identifiés chez nous, y'a pas de blerni. La rage, c'est comme les bijoux. Plus j'en aime, mieux c'est. J'suis pas venu te faire de bisous. Bisutage, mon doigt passé à la verticale. Enfer tous les bâtards de bas étage. L'amitié est un investissement à long terme. Dont les revenus sont pas assurés, alors la ferme. Mal accompagné, mal un bon panier. Le sale trait, c'est ça qui te panier. Gonfle le torse comme un maître nageur prétentieux. Mais touche à Escobar et tu connaîtras les cieux. Avis au tonnet, c'est au trait. C'est le début de la guerre. On veut me rentrer l'enquête. Les producteurs aillent se faire baiser. De l'argent ou du plomb. Il sous-estime Escobar qu'il prend pour un vulgaire voyou. Si on joue pas, attends, j'ai aidé. Personne n'est vraiment soulagé. Plomo au plata, ce qui signifie de l'argent ou du plomb. C'est comme la guerre. Faut que je m'almène l'ennemi. Si tu kiffes pas, t'écoutes quand même. Sale comportement, un son qui nique l'appartement. Appartenant à Escobar, tu neuf trois départements. Putain négro, j'arrive plus à suivre. D'après ma bible, je croyais que Judas était juif. Je confesse ma délinquance. Drive by firm, écoute mon destin n'est pas une coïncidence. A ceux qui veulent la mort, je leur en service. Et faire mes diètes, tu subiras des sévices. Parrainé par DJ Hamdi, R.A.N.I. Awanza, Zaref, à parole pas d'AMD. Si, la douleur est mon ami ennemi. Parce qu'elle montre que je suis encore en vie. La tienne tient plus qu'un fil et j'ai les ciseaux. De toi à moi, qui est les schizos. Au grand jamais, mis à l'amende. Pisseuse, tu vas goûter le pare-choc de ma voiture allemande. Mon honneur sali, nique le reste, c'est pas important. Demande à Cali, on tire à bout portant. Je donne du job au médecin légiste. Dans mon cartel, ça but grave des kilos et des tonnes de disques. Gonfle le torse comme un maître nageur prétentieux. Mais touche à Escobar et tu connaîtras les cieux. À tous mes ennemis de la musique. Escobar poursuit sa guerre. C'était une période extrêmement difficile. D'extrêmement de difficile. De l'argent ou du plomb. Escobar essayait de me tuer. Escobar fait un groupe. Drive by à la vie, à la mort. Mais avec eux, il n'y a plus de règles. Plomo au plata, ce qui signifie de l'argent ou du plomb. Ton fric, je m'en bats les couilles. Y'a que le cœur qui compte. Maintenant, c'est la guerre.